Kim Dong-hak, vice-président de la Société des droits de l'homme des Coréens au Japon, et Liang Ok-chul, vice-présidente du présidium du comité central de l'Union des femmes démocratiques coréennes au Japon, ont respectivement publié le 26 les entretiens contre le crime anti-humain des autorités sud-coréennes qui ont kidnappé collectivement les citoyennes coréennes et perpètrent l'opération de conversion. Ils y ont déclaré que le dernier enlèvement est un complot ultra-géant des autorités sud-coréennes contre la République populaire démocratique de Corée, et souligner que si elle continue de dissimuler la vérité de la dernière affaire et de détenir injustement les victimes, elles ne pourront point éviter la condamnation unanime de tous les Coréens et de la communauté internationale.